Depuis longtemps je traîne aux quatre coins de France. Je chante mes rengaines comme pour me raconter. Toujours avec passion mais jamais l'arrogance. Comme des bouts de ma vie couchés sur le papier. Depuis longtemps je rame parmi tous mes semblables. Essayons de me faire une place au soleil. Ma musique et ces mots que je mets sur la table finissent par m'obséder même durant le sommeil. Même si j'arrache le pavé de ma route, il y aura toujours des cailloux sous les pieds qui me feront tomber à terre sans aucun doute. Laisseront mon cœur et mon âme écorchée. Ah ben bien sûr, Andrems. C'est toujours mieux que le bip bip à la con, là. Super. Depuis longtemps je vis sur un chemin bizarre. Une route sinueuse qui n'en finit jamais. Où à chaque tournant l'horizon disparaît. Un peu comme s'il était happé par le brouillard. Depuis longtemps j'écris tous ces mots qui me viennent. Piqués par je ne sais qui mais moi je les entends. Quand je ferme les yeux un peu comme des persiennes, ils résonnent dans ma tête comme soufflés par le vent. Même si j'arrache les pavés de ma route, il y aura toujours des cailloux sous mes pieds qui me feront tomber à terre sans aucun doute. Elles laisseront mon cœur et mon âme écorchées. Depuis longtemps j'attends, mais sans idée précise. Ce qui pourra sans doute faire basculer ma vie. Je vis au jour le jour comme poussé par la brise, qui bien souvent m'emporte dans un monde en folie. Depuis longtemps mes yeux ont quitté le miroir. L'image que j'y voyais ne semblait pas très nette. Maintenant j'ai le blues, mais j'ai toujours l'espoir de vivre bien d'autres choses qui se baladent dans ma tête. Même si j'arrache les pavés de ma route, il y aura toujours des cailloux sous mes pieds qui me feront tomber à terre sans aucun doute. Elles laisseront mon cœur et mon âme écorchée. Même si j'arrache les pavés de ma route, il y aura toujours des cailloux sous mes pieds qui me feront tomber à terre sans aucun doute. Elles laisseront mon cœur et mon âme écorchée. Thank you.

Fine.